Activité 4, page 83. Piste 66. A. On doit protéger la nature. B. Nous devons ramasser les déchets. C. Tu ne dois pas marcher sur l'herbe. D. Ils ne doivent pas gaspiller l'eau.